Chapitre 43e. Le président n'avait pas encore quitté son siège que Gontaut se pencha vers son secrétaire. « Pendant la suspension, dit-il à voix basse, vous allez manœuvrer de manière à vous approcher de la table des pièces à conviction, et vous ferez adroitement disparaître sous le paquet ce revolver dont le président parle si souvent et qu'il tient tant à mettre sous les yeux des jurés. Ce qui serait parfait, ce serait de le placer de telle sorte que le président le vit bien, tandis que les jurés, au contraire, ne pourraient pas le voir. Faites cela légèrement, habilement. » Desvallières exécuta cette commission avec une charmante facilité. Puis, le revolver caché, il vint dans l'auditoire saluer les dames qu'il connaissait et tâter en même temps le sentiment du public. L'audience suspendue, chacun s'est élevé, mais personne n'avait quitté sa place de peur de ne pas la retrouver. Comme on était arrivé de bonne heure au palais de justice et que les prévisions étaient qu'on en partirait tard, on avait pris ses précautions. Les poches avaient été ouvertes et l'on avait tiré des nourritures de toutes sortes, des gâteaux, des pâtés, même des viandes froides. C'était en mangeant et la bouche pleine qu'on commentait ce qui venait de se passer. « Le président a beau faire, jamais je ne croirais que cet homme-là est un traître ténébreux. Un mouton enragé tout au plus. Il a eu un beau mouvement quand il a refusé de répondre. Peut-être, mais pour moi j'aurais mieux aimé qu'il nous dise ce qu'il avait vu et entendu dans son cabinet. C'était peut-être drôle. Vous savez, il est bon de s'instruire. Les artistes sont originaux. » Et l'on interrogeait Desvallières pour qu'il racontât ce qu'Adolphe avait vu. Mais le secrétaire, plus discret que jamais, refusait de répondre. « Vous savez, chère madame, le secret professionnel, ne m'en veuillez pas. » Quelques-unes des curieuses se fâchaient, mais d'autres se disaient tout bas que ce petit Desvallières était vraiment discret et que l'on pouvait se fier à lui. L'audience reprise, on procéda à l'audition des témoins. Le premier appelé fut le docteur Virigny, l'expert dont la parole abondante et facile avait arraché tant de condamnations aux jurés hésitants. Mais il était absent et l'on passa sans l'attendre au commissaire de police de Passy qui raconta tous les incidents du drame. Au premier mot de son récit, le président regarda attentivement la table des pièces à conviction. N'y voyant sans doute pas ce qu'il cherchait, il appela du geste un des huissiers audienciers et lui parla à l'oreille. L'huissier vint à la table et, ayant pris le revolver sous le paquet, il le mit en belle place du côté des jurés. Le récit du commissaire de police fut long et circonstancié. Cependant, le président le développa encore en insistant sur les points qui pouvaient émouvoir les jurés et provoquer la pitié. Les mains rouges de sang produisirent l'effet attendu. Il y eut dans l'auditoire une vive sensation quand le commissaire dit comment il avait fallu plusieurs fois renouveler l'eau de la cuvette. « Accusé, demanda le président, voulez-vous expliquer à messieurs les jurés comment vous vous étiez ainsi baigné dans le sang de cette malheureuse ?» Après un moment de silence, Adolphe se leva et d'une voix tremblante répondit « Voyant le sang jaillir de la blessure, j'ai voulu l'arrêter et c'est en pressant ses vêtements sur cette blessure que mes mains se sont rougies. » Il retomba sur son banc, accablé. « Nous comprenons votre émotion, dit le président, et nous sentons combien ce souvenir doit être terrible pour vous. Remettez-vous. » Puis après quelques minutes, le président reprit. « Puisque nous sommes sur ce point, ce serait le moment de nous dire comment a été faite cette blessure. Tout à l'heure, vous avez refusé de répondre, mais j'espère que leur peau vous aura mieux inspiré. « Dans votre intérêt, nous vous adjurons de dire la vérité. Je n'ai rien à dire. Accusé, prenez garde. Votre système est dangereux. Il ne faut pas croire que parce que vous êtes le seul témoin vivant de ce drame, il est impossible d'arriver à la connaissance de la vérité. Ainsi, l'accusation soutient que c'est au moment où cette malheureuse femme se traînait à vos pieds pour vous demander grâce que vous l'avez frappée. » Gontaut, jusque-là silencieux et calme, se leva d'un bond et d'une voix éclatante. « C'est là une explication contre laquelle je proteste de toutes mes forces. Elle ne s'appuie sur rien. » L'avocat général posa gravement sa toque devant lui, et étendant le bras vers le défenseur, il dit d'un ton lent et mesuré, « Elle s'appuie sur des preuves. Où sont-elles, ces preuves? Nous vous les donnerons. » La perspective de cette lutte fouetta la curiosité. C'était un élément d'intérêt qu'on introduisait dans le débat. De nouveau, le président insista, mais ce fut sans rien obtenir. Adolphe se renferma dans son silence. Il fallut passer à un autre témoin. Chabnais, Alexandre. En entendant ce nom, les figures s'épanouirent. Les journaux avaient tant parlé du gardien de l'avenue Raphaël qui lui avait fait une célébrité grotesque. Il arriva en costume de cérémonie, grave et majestueux, ganté de gants de peau noire, qui depuis 20 ans avait dû assister à bien des mariages et à bien des enterrements. Quand on lui demanda son nom, il se tourna vers le banc des journalistes, où il retrouvait des figures de connaissance, et ce fut en détachant les syllabes qu'il répondit « Chabenais ».« Parlez à messieurs les jurés, » dit le président, « et cessez ces façons. » Chabenais avait préparé sa déposition. Il avait même travaillé le ton dans lequel elle devait produire le plus d'effet. Mais au premier mot, le président l'arrêta. « Ne récitez pas une leçon, dites simplement ce que vous savez. » Mais Chabenais avait trop bien étudié sa leçon pour pouvoir l'oublier ainsi. Il la récita donc, seulement il changea de ton. Ce fut ainsi qu'il raconta tout ce qu'il savait depuis le passage de Juliette voilée devant son appartement, jusqu'à l'arrivée d'Adolphe tellement surexcité que lui, un homme, il avait peur. « Messieurs les jurés, veuillez retenir ce point, » dit le président. En arrivant à avenue Raphaël, le crime se lisait sur la figure de l'accusé. Et si ce concierge n'avait pas été si faible, ou plutôt s'il n'avait pas voulu gagner son argent, ce double meurtre ne se fût pas accompli. Témoin, votre conduite a été bien coupable. Et vous voyez jusqu'où l'appât de l'argent peut entraîner les consciences cupides. Moralement, vous avez la mort de ces deux infortunés à vous reprocher. Continuez votre déposition. » Tant bien que mal, Chabenais, troublé par cette remontrance, acheva son récit. Ainsi, suivant vous, reprit le président, il s'est écoulé plusieurs minutes entre la première détonation et la seconde. Combien de minutes? 5, 8? Je ne saurais préciser. Ceci est très important, messieurs les jurés. Voyons, témoins, tâchez de répondre. Est-ce 5? Est-ce 8? Une ou deux, je crois. Vous dites que vous ne pouvez préciser et maintenant vous parlez d'une ou deux minutes. Mettez-vous d'accord avec vous-même et surtout n'altérez pas la vérité. Chabenais balbutia, essaya de calculer, s'embrouilla, mais cependant il persista dans ces 2 minutes. « Enfin, un laps de temps que vous ne sauriez préciser, » conclut le président. « On entendra d'autres témoins. Allez vous asseoir. » Chabenais ne bougea pas. « J'ai encore un mot à dire. » « Parlez. » « C'est pour me plaindre des journaux. Ils m'ont calomnié dans ma vie privée. Ils m'ont appelé Chabenais dans l'intention de me nuire, pour me rendre ridicule, moi qui étais si complaisant pour les journalistes. » « Sans avoir égard à cette observation ridicule, » dit le président, « il faut reconnaître que le rôle joué par la presse dans toute cette affaire a été bien peu digne. Elle a manqué à toutes les convenances. Et par ses indiscrétions, on peut dire qu'elle a égaré plus d'une fois l'opinion publique. Messieurs les journalistes assis sur ce banc peuvent faire leur profit de cette observation. Appelez un autre témoin. » Il en défila ainsi une quinzaine. Max Profi, entre autres, qui fut secoué d'importance par l'avocat général et par le président, qui se le renvoyèrent comme une balle. L'agence des familles sortit de l'audience terriblement éprouvée, mais avec une belle réclame comme résultat final. Tous ces témoignages n'apprirent rien de nouveau. On ne put même pas arriver à préciser le temps qui s'était écoulé entre la première et la seconde détonation. 5 minutes, conclut l'accusation. 1 minute à peine, conclut la défense, et à ce propos on échangea quelques paroles aigres. Enfin on appela M. Delabranche, notaire à Paris. Mêlé à toutes les affaires d'Adolphe, instrument de leur mariage, il eût pu faire une longue déposition qui eût clairement montré au juré quel avait été l'intérieur de ce ménage. Mais lorsqu'après avoir raconté l'incident du camarade de collège qu'il tenait de la bouche d'Adolphe, il voulut compléter sa déposition, le président l'arrêta. « Vous voulez maintenant parler de la moralité de l'accusé. Cela n'a pas d'importance. La moralité, nous vous l'accordons. »« Parfaitement, » dit l'avocat général. « Et même, à ce propos, » continua le président, « nous font observer à la Défense que si elle a des témoins décharge pour prouver cette moralité, elle pourrait renoncer à leur audition. Il ne faut pas fatiguer l'attention de messieurs les jurés. Cette preuve de la moralité est faite d'avance. D'ailleurs, ce n'est pas de la moralité de M. Dalifard qu'il s'agit, c'est de son caractère. C'est du double crime qui l'amène sur ce banc. Si vous n'avez pas autre chose à ajouter, vous pouvez vous asseoir. Mais le témoin avait autre chose à ajouter. Il avait à parler de l'amour d'Adolphe pour sa femme. Il avait à parler de sa bonté et de sa douceur, qui allait jusqu'à la faiblesse. Il le fit éloquemment, sans se laisser couper la parole. Et il démontra jusqu'à l'évidence qu'Adolphe n'était pas l'homme que l'accusation croyait. La liste des témoins à charge est épuisée, dit le président. À ces mots, Desvalières se pencha vers Gontaut. Il ne fait pas entendre le docteur Vergny, nous sommes sauvés. Faites-vous entendre des témoins à décharge? Demanda le président. Oui, monsieur le président, et tout d'abord, madame Dalifard, mère. Nous regrettons que la défense tienne à faire entendre la mère de l'accusé. Il nous semble que cela est contraire aux convenances. Au-dessus des convenances, il y a la vérité, s'écria Gontaut. Sans répondre, le président se tourna vers l'accusé. C'est pour vous, accusé, que nous aurions désiré ne pas entendre votre mère. Vous n'aurez donc pas pitié de sa douleur? C'est là une nouvelle preuve de cette dureté que vous reproche l'accusation. Enfin, vous êtes libre de vous défendre comme vous l'entendez. Huissier, introduisez madame Dalifard. Au milieu d'un profond silence, et sous le feu de tous les regards, madame Dalifard vint d'un pas ferme au milieu du prétoire. Sur un signe du président, l'huissier lui apporta une chaise, mais de la main, elle la refusa. Pendant quelques secondes, elle resta, les yeux fixés sur son fils, puis, se tournant vers les jurés, elle commença sa déposition. Pendant 25 minutes, les bras collés contre le corps, ne quittant pas les jurés des yeux, et allant de l'un à l'autre, suivant qu'elle les voyait plus ou moins touchés, elle parla d'une voix nette et ferme. Elle prit son récit à l'arrivée de Juliette, enfant, dans sa maison, et le termina au moment où, pour la seconde fois, elle mettait son fils en voiture et l'envoyait à Passy chercher une preuve qu'il se refusait à admettre. « S'il y a un coupable, dit-elle en terminant, c'est moi, et non lui. Ce n'est pas le fils que vous pourriez condamner, messieurs les jurés, c'est la mère. Mais la mère a sa conscience pour elle. » Quand madame Dalifard se fut retirée au milieu de l'émotion générale, Gontaut se leva. « Je renonce à l'audition des autres témoins, dit-il. »